20 ans j'improvise, t'as 30 ans tu méprises, t'as 40 et tu me vends ta chemise. 60 ans tu révises, 80 tu balises, après ça tu fais ta valise. À 10 ans c'est très bien, à 20 ans on est rien, à 40 on est deux fois rien. À 45 on se plaint, on croit qu'on est quelqu'un, après ça on ne croit plus à rien. À 5 ans on est môme, à 25 ans on chôme, à 35 on se monte un royaume. À 45 on se paume dans la chasse aux fantômes, on essaie de faire briller les chromes. À 20 ans on se figure, à 40 on se rassure, à 60 on n'est plus très sûr. À 80 on dure, on fait quelques ratures, et puis on tombe comme un fruit mûr. À 20 ans on roucoule, à 30 on fait la foule, 40 arrive et on se défoule. À 50 ans on coule, à 60 on s'écroule, après on se couche avec les poules. À 20 ans on s'apprête à penser à la retraite, à 40 on y passe la tête. Quand on l'a on regrette d'avoir perdu toute cette vie à ne penser qu'à la galère. À 20 ans on s'affiche, à 30 ans on se défriche, à 35 on joue et on triche. À 40 faut être riche pour se lever quelques biches, pour le souvenir qui traîne sous les miches. À 20 ans on fricote, à 21 on plotte, à 22 on se pique et on frotte. À 36 on radote, à 40 on se tricote, une panoplie de vieilles cocottes. Jusqu'à 6 mois on tête, après on se fait une tête, une belle figure de gens honnêtes. Jusqu'à 30 ans on prête, ensuite on a des dettes, ça suffit pour être un poète. On vient le crâne en premier, on s'en va par les pieds, sans prendre le temps de les essuyer. On se dit pour se consoler, on en a profité, on est con comme à l'arrivée.